Je fus donc beaucoup flatté et peu servi. Ce colonel Godard, au neveu duquel on m'avait donné, se trouva être un vilain vieux avare qui, quoique tout cusu d'or, voyant ma détresse, me voulut avoir pour rien. Il prétendait que je fusse auprès de son neveu une espèce de valet sans gage, plutôt qu'un vrai gouverneur. Attaché continuellement à lui, et par là dispensé du service, il fallait que je vécusse de ma paye de cadet, c'est-à-dire de soldat. Et à peine consentait-il à me donner l'uniforme. Il aurait voulu que je me contentasse de celui du régiment. Madame de Merveilleux, indignée de ces propositions, me détourna elle-même de les accepter. Son fils fut du même sentiment. On cherchait autre chose et l'on ne trouvait rien. Cependant, je commençais d'être pressé, et 100 francs, sur lesquels j'avais fait mon voyage, ne pouvaient me mener bien loin. Heureusement, je reçus, de la part de monsieur l'ambassadeur, encore une petite remise qui me fit grand bien, et je crois qu'il ne m'aurait pas abandonné si j'eusse eu plus de patience. Mais languir, attendre, solliciter sont pour moi choses impossibles. Je me rebutai, je ne parus plus, et tout fut fini. Je n'avais pas oublié ma pauvre maman. Mais comment la trouver? Où la chercher? Madame de Merveilleux, qui savait mon histoire, m'avait aidé dans cette recherche, et longtemps inutilement. Enfin, elle m'apprit que Madame de Varan était repartie il y avait plus de 2 mois, mais qu'on ne savait si elle était allée en Savoie ou à Turin, et que quelques personnes la disaient retourner en Suisse. Il ne m'en fallut pas davantage pour me déterminer à la suivre. Bien sûr, qu'en quelque lieu qu'elle fût, je la trouverais plus aisément en province que je n'avais pu faire à Paris.